J'aborde une intersection régie par des feux tricolores qui ont la particularité d'être en forme de flèche. Ici, il s'agit d'une flèche rouge dont la pointe est dirigée vers la gauche. Chaque couloir de circulation est délimité par une ligne continue infranchissable. Je suis très bien placé pour tourner à gauche, en revanche, pas du tout pour continuer tout droit. Réponse B et C.